Mais quand même, on a l'impression qu'il y a ces passages secrets à la fin, ces passages secrets entre la politique et le théâtre. Mais on se demande quand même s'il n'y a pas presque une forme d'effacement de ce premier chapitre qui était sur la dépolitique culturelle. Et alors même qu'on semblait aller vers une pensée que cette dépolitique culturelle venait irriguer même le plateau, même l'œuvre. Et c'est vrai que ça je ne sais pas si je me fais comprendre, mais en tout cas, est-ce que juste se concentrer comme ça sur l'œuvre n'est pas oublier la façon dont elle a été produite, et non pas les thèmes en fait seulement qui sont abordés, mais aussi la façon dont elle a été produite et comment la politique est aussi présente dans ces relations-là. Et d'ailleurs, on a parlé du théâtre de la Commune, etc. Mais voilà, est-ce que tu aurais quelques mots à dire là-dessus? Ouais, mais ça va être compliqué. Sur les passages secrets, c'était un peu ma bouée au bout d'un moment. En fait, c'est un texte de Daniel Ben Saïd, c'est une interview de Ben Saïd, où Ben Saïd dit de la même manière que la politique a ses rythmes propres, celle de l'intervention, celle du reflux, du recul, celle de la clandestinité à certains moments. Donc la politique a son rythme propre et l'art a son rythme propre aussi. C'est pas des rythmes donnés de manière éternelle. Ben Saïd, dans une formule aussi, dit mais la politique c'est un art stratégique du présent. Il dit mais il y aura demain peut-être une révolution. On va pas abolir le complexe d'Oedipe en 2 heures. Ça va prendre du temps, quoi, ces choses-là. Bon. Et il dit mais entre l'art et la politique, donc l'idée c'est d'essayer d'imaginer des passages secrets. Alors moi ça m'a touché parce que une espèce de côté blanquiste qui me plaît, ce machin, avec je me dis tiens c'est quoi, et puis je trouve ça beau d'aller au théâtre en se disant c'est quoi le passage secret qu'ils essayent de nouer avec la question politique. Et le passage secret peut être j'ai pas de problème avec l'explicite. Je termine avec l'œuvre de Maggie Marin, qui est une œuvre lutte de classe hardcore. D'ailleurs elle s'est fait dégommer, c'est le seul spectacle de Maggie Marin qui ne tournera nulle part ailleurs, enfin ils ont arrêté je crois, même s'il y a pas des théâtres qui ont retiré leurs achats, enfin tellement elle était raide, quoi. Donc j'ai pas de problème avec l'explicite politique, et en même temps ça me touche beaucoup aussi de me dire c'est quoi le passage secret qui se noue avec nos émancipations, Je fais une parenthèse. Je suis tombé sur un livre j'ai une passion un peu hystérique l'année dernière pour la grotte Chauvet et la grotte de Lascaux. Et je suis tombé, donc voilà, on a comme ça hein, des trucs pour... je suis tombé sur un livre assez beau de Philippe Grossos qui dit c'est très compliqué parce que pendant très longtemps, on a regardé les grottes de Lascaux et les peintures des grottes de Lascaux comme étant des signes. On s'est demandé de quoi c'est le signe, de quel type de communication c'est le signe, de quelle référence c'est le signe. Et il dit c'est formidable parce que alors là, pour le coup, on peut faire des hypothèses anthropologiques, sociologiques. Il dit la seule question qu'on ne se pose pas quand on pose la question comme ça, c'est quelle forme cela forme. Et donc, ce que l'on ne se pose pas comme question, c'est la question de l'art. C'est-à-dire qu'on ne les regarde pas comme des arts, comme de l'art. On regarde ça comme le signe de quelque chose qui essaye de se communiquer à nous. Bon. Et moi, ça m'intéresse beaucoup d'aller au théâtre aujourd'hui, d'arrêter de me dire qu'est-ce que ça dit, mais de me dire qu'est-ce que ça forme. C'est super dur comme question. Tout ça pour dire que ce n'est pas un repli sur l'œuvre. Je pense que c'est très important, les œuvres. Je fais partie, je pense, d'un nombre innombrable de personnes pour qui quelques poèmes ont changé la vie. Et je trouve ça pas rien, en fait, cette troisième chose entre moi et le monde. Le capitalisme me jette dans le monde, me jette dans son flux, m'empêche, me met dans des immédiatetés. Le philosophe Herbert Marcuse avait mis en crise l'immédiateté capitaliste en disant elle nous fait croire au direct, mais elle ne nous permet pas... Peut-être que certaines médiatetés nous permettent des approches différentes. Et moi, je sais que ma vie, mais ce n'est pas que moi, j'ai quand même pas mal... a été transformée par certaines œuvres, surtout celles que je ne comprenais pas. Et donc, je considère pas ça comme secondaire, en fait. Et je trouve qu'on a un peu trop pris le pli d'une langue sociologique dominante, et la socio peut être passionnante, mais d'une langue sociologique dominante qui est toujours de renvoyer aux conditions de production des œuvres et jamais regarder les œuvres en tant que telles. Mais alors, je vais y venir sur comment ça travaille et quelles sont les conditions de travail et les rapports de production. Mais de se dire aussi, c'est quoi ce corps à cet endroit-là C'est quoi la diagonale qui se crée sur le plateau? C'est quoi la fonction de ce mot? Et en fait, je trouve que nous avons un problème, mais en fait, ce n'est pas un problème, c'est une contradiction. C'est qu'en fait, nous n'arrêtons pas de dire que nous allons construire un monde qui sera débarrassé de la centralité économique, et nous pensons avec la centralité économique. Alors, à juste titre, parce que nous sommes pris dans une lutte des classes, et qu'on ne peut pas s'abstraire de ça. Mais notre difficulté, c'est que nous n'arrêtons pas de répondre et de riposter à l'agenda de la domination, dans ses rythmes, dans ses vocabulaires, et qu'à force de faire cela, nous sommes constamment subalternes à ce qu'elle nous induit, à ce qu'elle induit dans ses modes de travail. Et je ne sais pas comment on fait pour arriver à travailler sur aussi le long temps en disant « Ouais, là, moi, aujourd'hui, je ne regarde qu'une œuvre. » Et peu importe comment elle a été fabriquée, je vais y venir après sur les conditions, mais peu importe comment elle a été fabriquée, c'est cette œuvre-là qui m'intéresse. C'est ce poème-là. C'est pourquoi Gatti écrit ça comme ça. Et je fais abstraction parce que sinon, je ne suis jamais dans le contact possible avec ça. Je ne suis jamais dans la démesure quand même de cet acte-là. Et après, sur les conditions de production, la grande difficulté qu'on a, je suis pour cartonner au maximum, j'espère qu'on va arriver, que les luttes vont pouvoir s'organiser. La lutte victorieuse de la commune l'année dernière est une lutte semi-victorieuse, puisque ça douille encore, quoi, parce que la violence patronale sous couvert de maoïsmo, je sais pas quoi, hölderlinien, d'une violence... Bon. Et c'est terrible ce qui se vit dans le monde. Mais j'ai une autre difficulté, et c'est une vraie difficulté, c'est que j'ai des œuvres qui sont fabriquées de manière absolument égalitaire, magnifique, et qui ne me produisent rien, qui m'emmerdent, qui sont tellement démocratiques qu'elles ne sont porteuses d'aucun excès, d'aucune aberration, qu'elles sont absolument dans les clous de... Et puis, à côté de ça, j'ai des œuvres qui sont faites de manière autoritaire, féodale même, et qui me ravagent. Et je ne sais pas penser cette contradiction. J'adorerais que ce soit plus simple. Hein. J'adorerais qu'un processus libertaire, voté en assemblée générale, collectif, produise des œuvres gigantesques et qu'une œuvre produite par un espèce de tyran artistique produise des merdes. Je trouverais ça plus simple. Et ça ne le fait pas. Ce n'est pas pour autant que je me résous. Encore une fois, à la violence sociale qui règne dans les théâtres, ce n'est pas pour autant que je considère que forcément l'art a à voir avec la violence, l'agression, les rapports de pouvoir salariaux. Je pense qu'on peut créer des rapports de force pour. Je ne suis pas du tout persuadé qu'il faille souffrir pour créer. Je pense qu'il y a beaucoup de mythologie là-dedans. Mais je trouve que la question est plus compliquée que... une sorte d'angélisme des rapports de production avec une œuvre qui serait l'aboutissement clair d'un rapport de production sain. C'est pas tout à fait ce que tu voulais dire. Non. Oui, enfin, en fait, c'était plus dans le sens de justement faire coexister les questions et coexister le conflit dans un discours esthétique. Enfin, ne pas se séparer, enfin, essayer de. Mais c'est hyper dur. Pour avoir parfois essayé d'écrire sur du théâtre, enfin, c'est pas facile de faire exister les deux. Et c'est de là ma mélancolie en finissant le livre, en fait, quelque part. Voilà. Après, les œuvres dont je parle, c'est des gens plutôt... Oui, non. Enfin, je veux dire, le travail d'Adeline Rosenstein, c'est politiquement dans les conditions de production, dans les grilles de salaire. Le travail d'Alexis Forestier, pareil. Le travail de Maggie Marin, Ramda. Maggie Marin, c'est quelqu'un qui utilise sa subvention pour créer du travail permanent. Parce que le travail permanent permet de créer des rapports de force. C'est-à-dire, quand le travail est toujours intermittent, la riposte est compliquée. Voire même, on a sorti un numéro de Théâtre Public où Maggie raconte ça, hein, les rapports de force salariaux à l'intérieur des choses. Donc, par ailleurs, j'ai essayé de ne pas prendre des ordures radicales. Mais ce que je trouve compliqué, par ailleurs, c'est une question, je n'ai pas de réponse, mais c'est une question compliquée. C'est quand je vais au théâtre, soit je sais, parce que des copains m'ont raconté, parce que j'étais invité aux répètes, soit je ne sais pas comment ça s'est passé. Et quand je ne sais pas, je ne sais pas comment on le devine, à partir de l'œuvre. Moi, je pense qu'on le voit, parfois. Parfois, mais pas toujours. Pas toujours. Merci. Je m'appelle Olivier. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai travaillé en compagnie d'Armand Gatti à Sarcelles. Donc, j'ai rencontré aussi la personne et aussi les gens avec qui il travaillait. Et ça, c'était pas rien, justement. Et puis, par ailleurs, il se trouve que je fais beaucoup d'autres choses, que j'ai été militant pendant plus d'une dizaine d'années à la coordination des intermittents et précaires, que c'est une des luttes qui a obtenu une petite victoire, quand même qui n'est pas sans importance sur la question des droits sociaux. Ou justement, enfin, pour faire un petit écart, la question qui s'était posée pour nous, qui étions en révolte, ce n'était pas effectivement la question du savoir, ni de la question des questions esthétiques immédiates, parce qu'on savait que c'était ça qui divisait. On l'avait deviné très vite, mais la question des droits sociaux, c'est-à-dire comment fédérer autour d'actes et de revendications qui étaient politiques, quoi. Mais pour tous, évidemment, ces droits sociaux pour tous, et pas que pour les intermittents. Donc c'est un peu là-dessus que je me suis, que j'ai travaillé pas mal, enfin j'ai été présent à ça, et ça a été extrêmement important parce que ça a aussi modifié mon regard sur les productions. Enfin, ça a modifié le regard de beaucoup sur ce qui se passait, notamment au théâtre, même si il y avait déjà des prémices qu'on sentait. Moi, je trouve que, bref, pour me présenter, j'ai aussi suivi de très très près, pour des raisons importantes, ce qui s'est passé et ce qu'il se passe encore au théâtre de la Commune, vu que c'était quand même la première fois, on dirait de cette façon-là, que se manifestait une grève à l'intérieur d'une institution. Théâtrale, culturelle, publique, et qui était faite par ce qu'on appelle des RP, qui sont, rappelez-moi, les relations publiques, ce qui est quand même étonnant. Où effectivement, une des questions qui s'est posée à l'intérieur même de cette structure, c'était bien comment est-ce que l'opération institutionnelle principale, de vieille habitude, était de séparer les domaines, bien évidemment. Et qu'à partir du moment où des gens qui étaient plutôt parmi les salariés s'intéressaient aussi à ce qui se passait par ailleurs, au traitement qu'ils subissaient et aussi à la question du plateau, et notamment à la question culturelle qui est celle d'aller voir ailleurs que dans le théâtre sur ce qui se passe, et d'un point de vue associatif, et d'un point de vue de ce qu'on appelle l'éducation culturelle, et qui était avant ce qu'on appelait l'éducation populaire. Enfin, toutes ces questions-là maillées ont fini par une grève longue, et où on a vu effectivement, et peu importe l'individu, la directrice artiste se manifester comme la pire des patronnes, quoi. Et ça continue. Mais la question, c'est pas l'exemplarité de cette chose-là qui nous a intéressés, c'était d'essayer de savoir... comment dire, et c'est pour ça que ton livre il est aussi bienvenu, parce que c'est aussi un étayage par rapport à des questions qui sont chaudes, on pourrait dire, c'est comment se fabriquent les choses en vrai. Effectivement, l'importance d'une œuvre n'est absolument pas à négliger, parce que je pense qu'il y a, lorsqu'on regarde quelque chose, un certain nombre de choses à voir, auxquelles nous ne sommes plus assez habitués à lire aussi. C'est-à-dire qu'on peut dire tout à fait que parfois, voir un acteur qui rentre à gauche et qui sort à droite, on peut même imaginer... son temps de travail, combien il est payé, s'il a envie d'être là. Donc, tout ça, ça peut se voir. Après, il y a des questions d'exaltation et de jouissance qu'on traitera plus tard. Mais bon, voilà. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui n'est pas tout à fait le sujet de ton livre et qui est une question centrale, c'est comment est-ce que la production opère des œuvres, et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on sait que ces lieux-là sont des lieux où il y a des échelles de salaire, où il y a quand même, qui fonctionnent quand même sur une pyramide où la figure de l'artiste est principielle et tout découle de là. Et puis il y a aussi quand même des questions administratives qui se posent. Où finalement, juste pour dire qu'on avait découvert dans le texte que nous avions écrit en compagnie avec Thierry, je ne sais pas s'il est là, à propos de cette grève au Théâtre de la Commune, je vais vous le dire parce que c'est intéressant, parce que ça pose aussi des questions de production et des questions de qu'est-ce qu'on fait au juste alors qu'on est en train de fabriquer des œuvres, quoi. Parce que ça, c'est une question politique. Qu'est-ce qu'on fait au juste lorsqu'on fabrique des œuvres? C'est pas facile. Il se trouve qu'en 68, il y a eu des assemblées, 72 je crois, de techniciens, d'artistes au sein des CDN, où la question qui était posée, c'était de savoir si, par exemple, l'ensemble des salariés ne pouvaient pas se mêler de la programmation. C'est-à-dire avoir affaire avec cette affaire qu'on appelle l'art et décider. Et savoir comment organiser des décisions, je dirais, collectivement, comment construire cette chose-là. Sans nier la fonction de l'art, bien évidemment. Et il se trouve que... il a été décidé entre les artistes futurs dirigeants et le ministère de la Culture que non, que la question des CDN devait être pilotée par des artistes. Je pense qu'une des questions institutionnelles que pose la gestion de ces espaces-là s'ancre aussi dans cette question-là, hormis tout ce qui a été dit qui est absolument aussi crucial. Voilà, j'avais envie d'évoquer cette chose-là, sachant que qu'est-ce qui se partage au juste lorsqu'on fabrique des choses ? Et c'est valable n'importe où. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait un atelier avec des patients ? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on travaille avec des gosses ? Est-ce qu'on a le temps de travailler ? Est-ce qu'en réalité, on n'est pas juste là pour faire du pansement ? Et si on a le temps de travailler, qu'est-ce qui arrive ? Est-ce que l'acte théâtral n'est pas possible dans ces secteurs-là aussi ? Si un certain nombre d'exigences sont posées, à savoir le temps, le minimum de pognon, des présences relatives et une participation collective, à savoir que la fonction assignative des rôles, des statuts et des fonctions, c'est obligé, ça doit bouger. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que les figures traditionnelles de l'art baissent pavillon pour que quelque chose puisse avoir lieu. Moi, ça a toujours été une préoccupation centrale. Et qu'advient-il d'une œuvre lorsque quelque chose se passe dans ces conditions-là ? Bon, moi, je peux vous dire qu'il y a des espaces où ces travaux-là existent, mais qui sont tout à fait minoritaires, mais qui, à mon avis, pointent des choses qui sont cruciales. Quoi. Ben voilà ce que je voulais un peu dire. Et après, sur le livre, effectivement, j'ai eu un petit souci, qui est le même, c'est celui d'une espèce de sentiment d'une refermeture et quelque chose qui... Mais bon, ça... Ben, sur... c'était... Puisque l'art et le théâtre en particulier auraient une fonction d'œuvre qu'il s'agirait de voir en tant que telle, et c'est très, très important, et la politique, je dirais, sur sa fonctionnalité serait d'autres domaines, c'est à partir de quel moment où ces choses-là marchent sur deux jambes, mettons, et ensemble, et que ça, c'est un peu. C'est à ça qu'il est compliqué de réfléchir. Enfin, voilà. C'est un peu cette chose-là. Méfions-nous de la fétichisation de l'œuvre. Quoi. Voilà, c'est juste ça aussi. Bonjour. Vous, tout à l'heure, vous avez parlé de quelque chose qui m'intéresse, qui me concerne. Quand vous avez parlé de la musique, un peu en disant avec nostalgie, en rigolant un peu, que la nostalgie du couple Pompidou-Boulez. Et... Oui, je sais bien. Moi, je suis musicien, je suis compositeur et je me pose beaucoup de questions que vous posez. Je me demande, est-ce que cet autre art que le théâtre, qui est quand même un art de la scène, qui est de la musique, mais où il y a quand même moins de lisibilité, enfin, on peut faire ce qu'on veut à des choses très différentes dans la musique. Qu'est-ce que ça vous dit ? Est-ce que ça vous questionne d'une manière particulière ? Est-ce que vous auriez des trucs à dire aux musiciens, en gros ? Parce que c'est vrai qu'on est beaucoup, beaucoup invité dans la barque de la médiation, la cohésion sociale, tout ça. C'est vraiment... On nous y appelle. Ouais, parce que sûrement, il y avait, des fonctions... des fonctions magiques ou des fonctions d'expression du groupe et tout ça à Lascaux. Sûrement l'art a été religieux très longtemps, sûrement l'art a été royal et aristocratique, puis bourgeois encore aujourd'hui. Mais justement la bureaucratie d'aujourd'hui, technocratique, bureaucratique, etc., ça repose quand même la question du politique. Enfin, parce que en plus, j'étais pas tout à fait d'accord avec ce distinguo. Parce que s'il a été question de politique au masculin, c'est pas seulement parce que le masculin c'est bien, c'est aussi parce qu'il s'agissait d'aller chercher de la politicité là où la politique pouvait être peut-être souvent une forme de dépolitisation. Et en gros, je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette matrice avec Ben Saïd qui est citée fort aimablement, parce qu'on a trop laissé de côté un certain nombre de choses. L'idée que la politique soit la pensée stratégique du présent. Alors que la politique, c'est aussi la pratique au présent inscrite dans une stratégie dont finalement personne n'est propriétaire, c'est-à-dire ni aucune organisation évidemment, mais ni aucune avant-garde, même intellectuelle, même combattante, même enfin quelle qu'elle soit, même artistique d'ailleurs, même si là il y a une forme de présent, dans toutes ces affaires, il peut y avoir une forme de présent qui est en excédence sur le présent. Bon, on ne va pas revenir au trop de réalité, etc. Enfin, j'ai trouvé intéressant ce que vous racontiez. Mais du coup, je crois quand même que ces questions, elles se posent. Ici, par exemple, à La Parole Errante, il serait bon qu'on fasse, nous aussi, du lien social ou de la mixité sociale ou du machin, des trucs qui sont la politique telle qu'elle est entendue par les institutions. Et quand même, une des vieilles dichotomies qui peut encore être utile, quand même, c'est le... la différence entre une, peut-être ce qui se voudrait être une puissance instituante dans des institutions et de l'autre côté ce qui sont des institutions qui se sclérosent. Enfin, je veux dire, faut voir ce pauvre Badiou avoir défendu les camps de rééducation khmer et maintenant l'excellence culturelle à la commune. On se dit qu'il y a un problème quoi du côté d'un certain nombre d'avant-garde. Il y a un problème du côté de ce qui est trop lourdement institué et qui se met suffisamment peu en crise, etc. Alors c'est vrai qu'il y a un ronron insupportable au théâtre de voilà, nous sommes dans les affaires de notre temps, le théâtre c'est la catharsis de ma femme de ménage, enfin je veux dire du travail féminin et du travail domestique. Excusez-moi, j'ai dit ma femme de ménage parce que ça a été mon appréhension en tant que metteur en scène, ma babysitter et ma femme de ménage du travail domestique. Enfin, il y a un côté insupportable. Mais là, on sent les rapports de production. Je veux dire, les rapports de production, on les voit très bien, par exemple, dans le cinéma, en particulier français. Voilà. Donc, je suis pas sûr de suivre tout à fait le chemin, quoi. Juste une remarque, et pas vraiment une question. Il en faut toujours un qui ramène sa fraise. Juste une remarque sur l'art pour l'art, parce que ça sert beaucoup de repoussoir, cette formule, alors que si on devrait un petit peu la lire dans son histoire, je crois, Baudelaire parlait beaucoup de l'art pour l'art aussi, pour sortir au XIXe siècle l'art d'une instrumentalisation, d'une instrumentalisation naissante. Je pense que le XIXe siècle a bien, enfin pas le siècle en lui-même, mais les capitalistes du XIXe siècle ont bien essayé de mettre la main sur l'art très vite et qu'il y a eu des réactions. Je cite Baudelaire et je sais bien que c'est un exemple un peu paradoxal et complexe politiquement parlant, mais il est un peu comme Cézanne, c'est-à-dire ces réactionnaires politiques mais artistiquement qui ont des très grands révolutionnaires. Et un héros de l'art pour l'art, on prend souvent l'exemple de Stéphane Mallarmé, qui est devenu un peu le clicheton du poète aristocrate, ce qui n'était pas du tout, hein, en plus, était très très très au courant des actions anarchistes de son temps. Il les suivait, c'est quelque chose qu'il regardait avec beaucoup d'intérêt. On a des entretiens avec lui où il témoigne vraiment de son intérêt pour le même des poseurs de bombes. Enfin, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout isolé. On en a fait un représentant. Je pense à ça à cause des passages secrets. Là, je pense que c'est, par exemple, quelqu'un comme Mallarmé. Il y a énormément de passages secrets. L'explicite est très complexe. Et l'implicite, c'est quelqu'un qui croyait profondément à la suggestion dans son art. Et je pense qu'il était très présent à la politique de son temps, aux actions politiques de son temps. Juste dire ça sur l'art pour l'art. Et aussi une question très concrète sur les ateliers socioculturels qu'on demande aux artistes. Je pense, moi, par mon expérience, je suis auteur, comédien, je suis amené à faire majoritairement pour gagner ma vie des ateliers pédagogiques, enfin, comme beaucoup, je gagne ma vie en faisant des ateliers. Et j'ai l'impression que là, l'outil d'aliénation est là, dans le théâtre, en tout cas pour rester dans un domaine que je connais, le théâtre public. J'ai l'impression que vraiment qu'il faudrait penser, j'ai pas encore pensé moi jusqu'au bout cette question-là, mais que l'atelier pédagogique est vraiment un lieu d'aliénation profonde et que cette aliénation a des effets directs sur les œuvres. J'irais même en amont de l'œuvre. On demande à ce que l'atelier soit déjà contenu dans l'œuvre. Quand vous voulez vendre un spectacle ou un texte, on vous demande déjà d'anticiper l'atelier pédagogique que vous ferez après, même quand l'œuvre n'existe pas du tout. Donc j'ai l'impression, moi, très souvent, quand je vois certains spectacles, d'entendre les crissements, vous savez, de la reliure plastique, des dossiers qu'on envoie. Maintenant, ça se fait beaucoup par Internet, mais je sens à l'intérieur de l'œuvre déjà le discours, le potentiel atelier pédagogique. Et j'ai l'impression que c'est même plus simplement un effet de l'après, c'est un effet de l'avant, avant l'œuvre. Et puis, pour revenir juste sur la question de l'art pour l'art, je souhaiterais, moi, ne serait-ce que comme touriste du théâtre, voir des œuvres d'art pour l'art. J'en vois très peu. J'en vois aucune. Voilà. Alors, moi, j'ai d'abord une question parce que je n'ai pas lu ton bouquin. Alors, je me sens un peu con. Désolée, je vais rattraper, je te jure. Mais je me demande qu'est-ce qui t'a guidé dans ton corpus et est-ce que c'était des œuvres explicitement politique, enfin ce qu'on appelle à contenu politique et qui se revendique de ça. Et si par ailleurs tu es allé voir d'autres pièces qui a priori ne se revendique pas comme tel, et que derrière là, on peut déceler quelque chose qui est éminemment plus politique, en dehors des rapports de production, etc., mais qui, sur scène, peuvent justement faire qu'on dépasse le trop de réel. Ça, c'est ma première question. Et après, je te promets, je lirai le bouquin. Et, voilà. Et sinon, en fait, pour moi, il y a une vraie interrogation sur la figure de l'artiste dans la société française, avec tout le modèle économique qui lui est associé, qui effectivement lui impose, par exemple, de faire aujourd'hui des ateliers d'éducation socio-culturelle. Est-ce qu'un des modèles économiques qui nous permettrait de prendre du large par rapport aux conditions de production, c'est peut-être de le repenser différemment, c'est-à-dire travailler peut-être par ailleurs dans d'autres activités pour pouvoir enlever la question théâtrale à la soumission économique capitaliste dans laquelle on est, ce qui est une vraie question en France puisqu'on a ce statut de l'intermittence, etc., qui est une grosse protection et tout ça, mais ça crée aussi un endormissement quelque part et un endroit où peut-être faudrait repenser modestement un modèle économique de production du théâtre en dehors des enjeux qui nous confèrent un statut dit d'artiste. Voilà, ça c'est les deux lignes que j'avais envie de soulever. Bonjour, merci beaucoup pour votre livre, j'ai beaucoup aimé. Néanmoins, j'ai deux remarques qui sont aussi des questions. Ma première question, c'est... vous écrivez un livre sur le théâtre politique et notamment dans la deuxième partie, vous parlez d'œuvres qui vous semblent intéressantes sur le plan politique. Là où j'ai été un petit peu étonnée, dans le livre, vous dites que vous êtes allé voir des pièces dans des contextes de production divers, que ce soit des CDN, des squats, des petits lieux indépendants, etc., etc. Et du coup, j'ai été un petit peu étonnée que vous parliez uniquement de pièces qui étaient produites, on parle du théâtre public, bien sûr, mais dans des institutions publiques d'une certaine ampleur, alors qu'il me semble que, justement, quand on fait un théâtre politique aujourd'hui qui est radical et qui donc va s'opposer en fait, au modèle dominant qu'on nous impose, c'est peut-être pas dans ces lieux-là qu'on va avoir le plus de possibilités d'intervenir et donc d'être subventionné, etc., avec toutes les conséquences que ça entraîne sur la production et sur la création artistique en termes de temps. Donc voilà, je voulais vous poser la question sur pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé de ça. Et ma deuxième question, qui est aussi une remarque, c'est que, et ça rejoint un petit peu ce que madame disait, je crois, c'est que il me semble que dans beaucoup d'œuvres qui se réclament du politique, il y a une forme de thématisation de la manière de faire de l'art aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va balancer un grand thème, l'identité, la prison ou quoi que ce soit, qui sont en fait des thèmes qui sont balancés comme ça, qu'on va interroger, fouiller, mais que cette manière de présenter les œuvres par thème, qui est une manière très vendable, on le sait, pour les pouvoirs publics, etc., de dire ça va parler de ci, ça va parler de ça, est-ce que ça ne se fait pas aussi au détriment du récit, c'est-à-dire de la narration? Et est-ce qu'il n'y a pas une forme de narration commune et justement radicale à se réapproprier par rapport à ça, notamment dans le théâtre, je vais aller au bout de ma pensée, qui, il me semble, a un petit peu déserté en fait, ce domaine de la narration pour le laisser à l'industrie cinématographique, à la série, etc. Et donc voilà, c'est une question, enfin je m'interroge là-dessus. C'est pas une critique pour les gens qui aiment les récits fragmentaires ou quoi que ce soit, mais je trouve que voilà, ça m'interpelle en tout cas sur le théâtre politique aujourd'hui. Et j'aimerais avoir votre avis. Merci. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses et j'en ai oublié la moitié. Puis il y a plein de choses aussi, je ne sais pas. Hein. Enfin, je veux dire, je suis porteur d'aucune vérité, certitude. Et pour commencer par ça, je peux dire que je suis bien conscient des manques du livre, notamment sur le corpus. J'en suis très conscient. Après, je crois qu'en France, il y a un spectacle nouveau toutes les deux heures. Donc j'arrête pas de rater des spectacles, en fait. Et certainement, j'aurais vu d'autres spectacles, j'aurais écrit autre chose. Après, j'essaye d'y aller tous les soirs. J'essaye d'y aller 5 fois par semaine. Et puis, les périodes de festival, un peu plus hardcore, avec des moments où j'arrête parce que je deviens malveillant quoi, avec les œuvres. Et donc, je suis obligé de reconnaître que je travaille à partir d'une chose très contingente aussi. C'est-à-dire qu'au mieux, des copains m'appellent en me disant « faut aller voir ça ». J'essaye d'aller suivre les gros machins pour voir aussi ce qui fait frissonner la bourgeoisie et la domination. Et puis, bon. Mais je suis bien conscient des manques, des angles morts. Je m'étais donné comme règle de ne cartonner visiblement que des choses qui marchent. C'est-à-dire de ne pas donner les noms, de travaux, de gens qui, où je ne serais pas d'accord, mais qui sont dans des situations compliquées. Je sais que par ailleurs, dans une DRAC, il n'y a pas longtemps, on s'est servi de moi pour cartonner des artistes, donc je fais aussi gaffe à ça. Ça explique, hein, parce que j'ai vu des choses dans des squads, dans des lieux où j'avais des gros désaccords, j'avais pas envie de... Donc c'est entre les lignes, effectivement. Et après, j'ai vu des choses formidables, j'ai une longue liste de spectacles où il y a des trucs qui ne sont pas directement institutionnels. Mais je reconnais très, très vraiment la faiblesse d'une partie du corpus. Mais j'ai pas beaucoup d'autres solutions à part espérer voir des choses. Après, en plus, je vis à Lyon où la question des squats est compliquée. Enfin, c'est une ville très bourgeoise, c'est une ville qui a chassé beaucoup. Enfin, bon, bref. Donc, je suis aussi dépendant de ça. Mais je reconnais que c'est un manque, assurément. Et pour répondre à ta question sur les œuvres explicitement politiques, très vite, je me suis dit ça aussi, parce qu'avec le titre du livre, etc., je n'avais aucune envie de souscrire au discours qui veut que parce qu'une œuvre parle de les politiques, c'est terrible, c'est pas bien, etc. J'avais pas envie de prêter le flanc à ça. Donc j'avais envie de travailler sur des œuvres qui assumaient la question politique. En fait, de venir cliver cette chose-là. Mais je vais le dire autrement, j'essaye de ne pas théoriser mes goûts. Il y a des œuvres qui m'ont bouleversé ces dernières années qui ne sont pas dans le livre et qui ont été plus importantes dans ma vie que ce que je mets dans le livre, parce que dans le livre, je convoque des choses qui me permettent de réfléchir à ma question aujourd'hui là, qui est cette question du théâtre politique aujourd'hui. Mais d'abord, je ne suis pas complètement fanatique, c'est-à-dire que je ne vais pas voir que des trucs qui parlent de politique. Je pense que le théâtre n'a aucune obligation de parler de politique. Ce serait tragique si on lui imposait ça. C'est Jules Vallès qui parlait de ces messieurs Jourdain de l'insurrection qui sont insurrectionnels sans le savoir, quoi. Et je pense effectivement qu'il y a des œuvres qui parlent de complètement autre chose et qui sont bien plus séditieuses que... Bon. Mais c'était un choix un peu tactique, là, de dire, après ce que je disais sur le théâtre politique, de surtout pas dire une espèce de poésie abstraite ou éthérée ou a priori très lointaine. Et je le pense, par ailleurs, je pense que ça peut être très important, ces endroits-là. Mais j'avais pas envie de créditer ça, voilà. Donc c'était un choix, mais qui est limité. Et puis à côté de ça, tout ce que j'écris se limite pas à ce livre, hein. Donc j'essaye aussi de tirer à d'autres endroits. Bon, il y a des questions sur lesquelles je ne sais pas répondre. Sur la question des ateliers et des travaux, je partage ce que tu disais. Je trouve ça très juste. Effectivement, que le capitalisme nous homogénéise, nous assigne à n'être qu'une chose, qu'une identité. Et puis moi, j'espère qu'un jour, on va faire péter la division sociale du travail. Bon. Parce que je vois bien la richesse dont on se prive à devenir des spécialistes de l'art, des spécialistes de l'expression, des spécialistes de l'enseignement, des spécialistes de l'éducation. Et c'est une richesse individuelle que l'on... Bon. Après, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que autant il y a une perspective émancipatrice à la lutte contre la division sociale du travail, autant il y a une perspective capitaliste à la lutte contre la division sociale du travail aujourd'hui. C'est-à-dire que les attaques du néolibéralisme contre les métiers, qui sont remplacés par des compétences, c'est pas rien. Et donc, pour moi, là, on est dans une contradiction. Je ne sais pas bien comment la résoudre en l'état, mais je la trouve intéressante en tant que contradiction, et je ne sais pas comment on l'habite, entre le fait que, oui, j'espère une société où les gens seront... auront d'abord du temps, je le dis, hein, on a lâché la revendication de la baisse du temps de travail pour tous et toutes. Mais je rêve, je suis pour me battre pour une société où on aurait ce temps-là pour ne pas être qu'une chose. Et en même temps, je vois bien l'offensive aujourd'hui du capital pour qu'on soit polyvalent et flexible, pour qu'on ne soit pas qu'une chose. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est cette tension que je ne sais pas résoudre. Mais je la trouve... Et c'est pareil sur la figure de l'artiste. Je suis archi d'accord avec un certain nombre de discours sur cette figure fétichisée, mythifiée, sacralisée, ce veau d'or est insupportable. Et évidemment qu'il est absolument tributaire des rapports de production à un moment donné de la bourgeoisie qui... Bon. Et en même temps, je vois bien comment la classe politique dominante aujourd'hui massacre l'idée même de l'artiste. Pas quelques-uns, il y a quelques-uns qu'ils adorent avoir dans les dîners en ville, etc. Mais aujourd'hui, concrètement, dans les villes, dans les municipalités, parce que pour quelques artistes qui discutent directement en centrale avec le ministère, la plupart sont au quotidien avec des élus, avec des directeurs de centres. Bon. Et eux morflent. C'est-à-dire qu'eux passent aujourd'hui, alors que la plupart sont dans une précarité incroyable, eux passent pour des bourgeois, cette espèce de luxe superflu par période de crise, comment vous osez créer, etc. Donc je trouve que, pareil, on est à cet endroit de contradiction où, évidemment, il faudrait redéfinir une autre image de l'artiste que celle qui domine, qui est une image sclérosée, réifiée, emprisonnante. Et en même temps, je vois trop bien... Encore une fois, je prenais l'exemple de la mairie de Grenoble, hein. Éric Piolle a massacré les artistes, et les artistes, c'était pas ceux de la MC2, c'était pas ceux, enfin si en partie aussi, mais c'était aussi ceux qui tenaient un lieu collectif, alternatif, qui essayaient pour le coup de revenir à des écritures un tout petit peu différentes, et il les a massacrés en disant vous êtes l'élite, vous parlez pas au peuple, donc on va faire du théâtre privé, on va faire du stand-up, etc. Donc il y a aussi cet endroit-là d'attaque aujourd'hui contre les artistes. Et bon, sur la question de l'art pour l'art, je suis en train de lire là sur ça, parce que je connais trop mal. Et effectivement, je trouve qu'il y a certains moments, même par provocation, de venir dire oui, l'art pour l'art. Enfin, je veux dire, de venir arracher la production à son usage immédiat, de venir dire l'œuvre n'est pas dans cette immédiateté-là. J'avais lu un texte magnifique de Octavio Paz, qui disait l'humanité a inventé l'érotisme, elle aurait pu s'en passer. Hein. Pour la reproduction de l'espèce, l'érotisme ne sert à rien. L'humanité a inventé la poésie, elle aurait pu s'en passer. C'est-à-dire, elle aurait pu. La communication peut tenir en quelques mots. Enfin, je veux dire, bon. Qu'est-ce que c'est que cette part en trop, pour parler comme Gatti ? Qu'est-ce que c'est que cette part en excès sur l'utilité immédiate ? Et me semble-t-il, il faut aujourd'hui la défendre. En sachant que quand on la défend, il faut faire gaffe parce que très vite, on est en compagnie de gens infréquentables. Donc il faut recliver parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec Finkielkraut, je n'ai pas envie de me retrouver avec ces gens-là, évidemment. Et en même temps, je crois que cette part en trop sur le quotidien normalisé, valorisé et légitime, me semble-t-il, aujourd'hui est fondamentalement attaqué. Et que quand on aura perdu ça, si on le perd, là on ne le perdra jamais complètement. Il y aura toujours des poches de résistance, il y aura toujours. Ce qui est magnifique, c'est que la domination, malgré tout ce qu'elle s'est donné, elle foire. Elle n'arrête pas d'être en échec. Enfin, je veux dire, bon, mais c'est. On ne va pas se mentir sur le rapport de force. Je veux dire, on est à terre, hein, quand même. Mais quand même, il y a des endroits où. Bon. Donc j'ai l'impression qu'il faut aussi défendre cet endroit-là. Mais je ne saurais pas. Et je ne le défends pas au nom d'une essence intemporelle, je ne défends pas au nom de. Et en même temps, Ouais, moi, le dernier livre d'Annie Lebrun sur la beauté, moi, il m'a touché. Alors, pas la beauté des publicitaires, pas la beauté homogénéisante, pas la beauté de l'identique. J'aime moi, que le plateau... J'ai à un moment beaucoup travaillé sur Jean Genet parce que ça me plaisait que quelqu'un dise il faut quand même, dans cette société, il y a un espace pour les petits tas de boue, pour la négativité. Enfin, on n'en peut plus de cette société hygiénisée. Il faut qu'il y ait un espace aussi pour des paroles. C'est Adorno qui dit « L'art, c'est ce qui vient mettre en impasse la communication. » Ça fait du bien à certains moments que la communication soit en impasse, qu'on arrête de me passer des messages, qu'on arrête de me manager, qu'on arrête... Bon. Donc, après, je dis ça, vous entendez bien à quel point ce que je dis est confus. Hein, et ça a à voir à bon. Dernière chose, j'ai oublié plein de choses, mais dernière chose sur le... Oui, Nicolas Frise, tout ça... Moi, encore une fois, j'ai tellement admiré, alors Frise, mais j'ai tellement admiré Gatti pour ça. J'ai tellement admiré Gatti pour sa capacité à travailler avec des gens et à les arracher à l'endroit où cette société voulait les maintenir, c'est-à-dire précisément faire le contraire de tout un théâtre de témoignages où les gens n'ont le droit de parler que d'eux, dans les termes de la domination, et de venir, ce qui se fait à Avignon, travailler sur la question des monothéismes avec des gens qui viennent, qui n'ont jamais rencontré cette question. Les dernières expériences que je voyais, où au bout de quelques semaines, on se mettait à parler des varistes gallois, enfin, espèce de, on s'arrache à, mais on travaille effectivement avec le plus grand nombre, on travaille, on essaye d'abattre la cloison des rapports de classe. Effectivement, le théâtre public est très homogène. Mais ce que je trouve magnifique, c'est que Gatti et d'autres, mais Maggie Marin est en train de faire un travail à Saint-Denis, je vois bien l'endroit d'exigence aussi qu'elle est en train de faire avec les jeunes gens avec qui elle bosse, qui sont des vrais gamins, des enfants. Et donc l'idée, c'est pas du tout de cartonner un travail avec la vie sociale, avec le monde, avec l'idée, c'est de se dire, mais c'est quoi la demande implicite des tutelles dans ces cas-là ? C'est-à-dire, qu'est-ce que les tutelles demandent et comment ça s'intériorise aussi ? Comment nous intériorisons notre fonction sociale ? Dernière chose, j'étais absolument d'accord, je me suis mal fait comprendre la formule de Ben Saïd, et j'ai une affection énorme pour Ben Saïd et pour son œuvre, mais la formule de Ben Saïd n'était qu'une formule, qu'une définition de la politique parmi d'autres, et, et on voit bien qu'elle renvoie effectivement à un cadre, on va dire, léniniste d'avant-garde, un art stratégique du présent, et je suis absolument d'accord, je l'ai dit mais pas assez bien tout à l'heure, pour dire que la politique, quand je disais que la politique s'épuisait trop souvent à être dans la pédagogie, je pense que la politique c'est d'abord créer des rapports au présent et d'autres types de rapports, et c'est évidemment de la pratique. Et c'est évident, alors c'est pas forcément des pratiques exemplaires, mais c'est forcément à l'épreuve d'une pratique quotidienne, ça je suis absolument d'accord. Et sur la musique, j'en sais rien, mais rien. Hein. Mais ça fait 2-3 ans que je, par les hasards de trucs qu'on écrit, de rencontres, etc., que je passe beaucoup de temps à Uzest l'été, avec ce que fait Lubat et d'autres. Et je suis très admiratif de ce qui s'y passe politiquement, sur un rapport à la musique, à l'improvisation, ou précisément cette capacité à inventer un festival qui n'est pas au point. Et je trouve que par là, il se passe quelque chose. Mais j'y connais rien. Donc je sais juste que ce que j'ai vécu à Uzès cette année me permet aujourd'hui de ne pas m'effondrer 3 semaines après, parce que cette rentrée est quand même terrible. Et ça nous a mis à tous une niaque incroyable par la question de la musique, des balles, renouer avec les balles, renouer avec une certaine type de lignée politique, et puis ce qu'il fait sur l'improvisation, bon, mais ce serait une autre question sur la question de l'écriture, mais ce qu'il fait à partir de l'improvisation, comment c'est pensé, je trouve que là, il y a un endroit magnifique. Oui, pour compléter très rapidement, et puis bon, pour pas repasser la parole, c'est que je voudrais quand même revenir sur une chose qui est très complexe, en fait, qui est la question de l'atelier. Parce qu'effectivement, depuis 20 ans, il y a des, on va dire, on l'a tous subi, il y a comme des injonctions où il est absolument impossible d'avoir un peu de pognon pour faire une création si dans le cahier des charges, il ne faut pas aller évangéliser les quartiers et aller produire un peu d'éducation artistique, voire même montrer, comme dans certaines injonctions maintenant, ce que c'est qu'un geste artistique auprès de gens qui, évidemment, sont absolument... Enfin, voilà. Ça, effectivement, c'est une chose... qu'on a tous plus ou moins constaté, qui est écrite aussi dans le livre, mais néanmoins, je voudrais revenir sur cette question-là quand même. En tant qu'il n'y a pas d'œuvre, quoi que ce soit d'autre, on peut appeler ça comme on veut, s'il n'y a pas de pratique d'atelier. C'est-à-dire que pour avoir travaillé, par exemple, avec M. Gatti pendant plus de 6 mois au plateau, à Sarcelles et compagnie, dans des conditions... à faire des gestes sur du béton, bref, compagnie, on était dans un atelier perpétuel. Et ce à quoi on assistait au moment de la représentation, qui n'était pas le plus important du travail, qui était un moment du travail, mais qui en tant que tel fabriquait quelque chose dans lequel il y avait une concrétion où chacun pouvait un peu s'y retrouver, l'atelier était tout le temps là, présent. Quoi. Les œuvres dont tu parles dans ton livre qui est décrit Ravage, ce à quoi on assiste avec des éléments relativement pauvres, notamment sur la question d'images qu'on ne voit pas mais qu'on nous décrit, et ça c'est très important, c'est un atelier au travail. Donc ça veut dire que c'est une chose qui n'est pas à négliger dans les pratiques. Et que si on a une exigence minimum de rencontre avec n'importe qui, avec qui on se met à travailler, de toute façon, c'est la même chose que ce qu'on fait sur un plateau avec des gens payés. La question, c'est comment dégager du temps, comment renverser cette espèce de chose qui dit on ne va pas faire de l'éducation artistique, vous allez nous donner du pognon pour qu'on puisse faire ce qu'on fait ailleurs, mais qu'on le fasse dans une vraie exigence, et pas simplement se plaindre en disant « Oh merde, c'est con, je ne fais pas de l'art au plateau parce que je suis obligé d'aller voir des enfants avec qui je ne sais pas quoi faire. » Non, c'est une question politique centrale, la question de l'atelier, parce que c'est tout. Quoi. Je voulais revenir sur l'histoire d'art, sur l'art et sur cette histoire de service public de la culture. Comme le disait Olivier, que j'ai rencontré aussi dans le mouvement des intermittents et précaires en 2003, moi, il y avait quelque chose que je trouvais très, très beau dans ce mouvement-là, qui s'est vraiment battu pour parler avant tout du travail et assez peu des œuvres. Et comme disait Olivier, les œuvres et leur appréciation faisaient assez dissensus à l'intérieur. En tout cas, on en avait tellement peur qu'on en parlait très très peu. Mais il y avait aussi un discours que moi je trouvais assez beau, qui combattait clairement l'exception culturelle telle qu'elle était défendue, qui constituait à dire que, comment dire, la spécificité de l'artiste, ce qui est défendu dans ce livre-là, en tout cas ce qui est combattu, c'est un peu aussi la mise en protocole de ce que doit être un artiste pour avoir des subventions. C'est un peu ce que vous dites sur l'hôpital, où effectivement on transforme le soin en des protocoles qui en vrai ne marchent pas, mais cette mise en protocole opérée par le libéralisme, donc il y a quand même assez peu à voir avec la liberté de l'activité, là on voit bien, enfin, c'est plutôt de plus en plus une manière de définir toutes les activités humaines de plus en plus dures, et donc la défense de l'auto-organisation des pratiques, elle doit clairement excéder les artistes. Enfin, que ce soit le soin, les pratiques culturelles, mais même le ménage ou la cuisine, en fait, ou l'artisanat, ou la plupart des activités humaines défendables, en vrai, ne sont pas mettables en protocole, et surtout pas selon la raison économique, quoi. Et que ce truc, enfin voilà. Et que effectivement, ce truc de pour pouvoir faire une activité humaine, il y a besoin du en plus de toute façon, c'est vraiment une base à défendre. Après, moi, je suis très méfiant quand on le restreint à juste l'art poulard ou l'exception culturelle, parce que je pense que c'est l'enjeu pour vraiment toutes les activités aujourd'hui. C'était la question au tout début où vous aviez dit le capitalisme. Le crime que commet le capitalisme sur nos rêves, sur nos nuits. Et j'aurais voulu que vous me racontiez un peu plus précisément. Ça me fait penser à Ismaël Kadaré, le palais des rêves. Mais sinon, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Après, je pourrais dire mon idée, mais j'aimerais la vôtre. Ah pardon, merci. Et qui rejoint ce que vous avez évoqué au tout début, à un moment donné, vous avez dit, vu les circonstances, en gros, il y a une hyper concurrence et il n'y a pas tellement de réponses solidaires. Parce qu'effectivement, dans les années 70, etc., il y avait un automatisme, il fallait essayer d'avoir une réponse solidaire. Et maintenant, je trouve qu'il faudrait en inventer une nouvelle d'urgence. Il faudrait la penser, comme vous dites, parce que on n'a plus de rapport de force. Et exemple, dans les ateliers, moi j'ai vécu l'enfer et le paradis récemment, l'enfer absolu, je ne savais même pas que c'était possible, dans une école à Noisy-le-Sec, dans des conditions atroces, des enfants, mais c'est épouvantable, je ne sais même pas comment vous raconter comment ces enfants sont traités. Et dans une classe Freinet, un instituteur magique, avec sa classe, des moments de pure créativité. Je ne sais même pas quel âge avaient les enfants, ils sont juste avant la sixième, mais là, il y avait vraiment des moments extraordinaires. Et donc, il faut absolument résister à l'instrumentalisation. Donc, quand il y a des conditions trop merdiques, il faut non seulement les refuser, mais il faut se battre pour empêcher les gens de nous proposer des conditions aussi merdiques, et il faut les dénoncer. Moi, j'ai honte de ne pas avoir dénoncé ce que j'ai vécu il y a 2 ans à Noisy-le-Sec. Voilà. Alors, merci voilà pour votre intervention, et merci à tous pour les questions. Moi, je voulais rebondir par rapport à ce que vous avez dit sur votre rapport à Jacques Rancière, parce que vous avez donc évoqué le fait que donc vous soutenez, vous cautionnez donc sa position avec Althusser, contre Althusser finalement après 68, et donc aussi sa position à l'égard d'un théâtre qui serait pédagogique. Voilà la question, le concept de spectateur émancipé. Et en fait, quand même, en vous entendant et en entendant toutes les interventions sur les ateliers qui sont faites, je me demande si il ne serait pas temps d'arrêter de penser le théâtre comme un lieu spécifique et de le penser comme un lieu comme un autre, comme Madame le disait. parce que vous dites voilà, à la fin, voilà, c'est un lieu où il y a quand même des génies fous qui peuvent faire n'importe quoi dans les conditions de travail, mais ça devrait pas être comme ça. Mais alors voilà, c'est quand même un lieu comme un autre, comme Rancière le dit, quoi, puisque on est en train d'essayer de penser que on transmet un savoir d'une manière égalitaire et qui, voilà, qui fait tomber quand même toute cette hiérarchisation et toute cette prise de pouvoir d'un maître savant, quoi. Donc voilà, c'était ma remarque. Merci. Non, c'était juste pour, parce que je viens de la musique aussi, comme mon ami tout à l'heure. Et en fait, il y a un petit collectif qui s'est monté suite à des suppressions d'émissions de création sur France Musique. Et il y a eu une première réunion lundi. Et en fait, les lignes de partage et de clivage sont les mêmes que celles qu'il y a ici. Déjà, il y a une... Bon, c'est en train un peu de se résoudre, mais il y a une fausse séparation entre la question des œuvres, des ateliers pédagogiques. Enfin, pour moi, je pense que ce n'est pas du tout des catégories qui nous permettent de sortir de ça par le haut. Et ensuite, il y a quand même ce qui est sous-jacent, c'est le rapport à l'institution. Et finalement, cette nécessité de l'institution et ce positionnement contraire qu'on a vis-à-vis d'elle, ça veut dire qu'à la fois on veut être subventionné par elle, à la fois on veut pas qu'elle nous impose. Enfin, je sais pas, il y a une espèce de nœud autour de ce truc de l'institution, et je sais pas si c'est que soit on pense pas assez bien à l'institution, soit qu'il faut faire d'une autre façon. Enfin, il y a quelque chose qui se joue là-dedans qui est très important, et c'était la même chose pour les gens, cette élite contemporaine, enfin de création contemporaine dont on fait partie entre guillemets, qui était en fait qui subissait le déclassement institutionnel et qui était là, mais c'est très important de faire ce qu'on fait, mais on ne sait pas dire pourquoi, mais en fait il faut des sous, mais en fait bon, faut se mobiliser politiquement, mais enfin voilà. Faut aller vite, c'est ça. Alors je vais pas répondre à tout, je vais juste dire deux mots sur le. Comment je vais dire ça ? Sur, en fait, tout peut se rejoindre sur la même chose. Pour moi, c'est une question de contradiction. C'est-à-dire que le théâtre est un espace comme les autres. C'est un espace pris dans un moment de l'histoire, dans des rapports de force, dans des rapports de domination, dans des rapports de production. Donc oui. En même temps. Contradictoirement, c'est aussi quelque. Enfin, je me méfie du principe d'équivalence de toute chose avec tout autre, où les choses sont aplaties dans une immense homogénéité fluidifiée. Donc oui, bien sûr. Moi, je suis frappé par les premiers textes de Marx. Après, il a bougé, mais par les premiers textes de Marx sur l'artiste, où Marx dit un artiste est simultanément un travailleur aliéné, pris dans des rapports de domination, dans des rapports de classe, et simultanément, il est la préfiguration du travailleur ou de la travailleuse de demain. Il ne disait pas la travailleuse, mais ou du travailleur de demain. Et je trouve intéressant de se dire, c'est à cet endroit-là, et la chose, elle est, et c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, évidemment. Et qu'évidemment, le théâtre, il est traversé par des rapports de classe, etc. Mais en même temps, je trouve très important de dire, mais ou alors on arrête avec cet art, mais moi, j'ai vécu des choses tellement incroyables avec cette chose qui s'appelle le jeu, avec cette fabrique d'illusions, et c'est pas la même chose que de la musique qui produit aussi. Bon, et travailler à cet endroit, s'entêter à faire valoir des expériences et des expressions inédites et inouïes, je trouve qu'on a raison de continuer. Et mon désaccord avec Rancière, ou la limite pour moi du travail de Rancière, avec toute l'admiration que j'ai, donc ça fait un petit con qui arrive et qui... Bon. Mais mon problème, c'est les œuvres chez Rancière. C'est que Rancière dit, mais en fait, de toute façon, c'est la forêt de l'imaginaire, on peut s'émanciper devant une, je sais pas, une vitrine de magasin. Je suis bien d'accord. Mais je crois qu'on peut vraiment s'émanciper en écoutant de la chanson populaire et pas forcément en lisant Kant dans le texte, bien sûr. En revanche, je pense qu'il y a des procédures il y a un certain type d'affect qui est produit par l'œuvre qui n'est pas tout à fait du même ordre. Mais aussi parce que l'œuvre, elle est fabriquée, parce qu'elle ne se donne pas encore une fois comme immédiate, parce qu'elle est bon, etc., etc. Donc moi, ma réserve par rapport à Rancière, c'est sur la question des œuvres. Et puis Rancière, quand il dit il ne faut pas un rapport égalitaire, etc. Moi, là où il m'intéresse plus, Rancière, c'est l'une des définitions qu'il donne de l'émancipation. Il en donne 12 par page, hein, mais l'une des définitions qu'il donne de l'émancipation, c'est la personne émancipée, c'est la personne qui arrête de vouloir programmer les effets qu'il produit sur les autres. Et en fait, je crois que nous avons moins besoin d'artistes émancipateurs, là je suis d'accord avec lui, je crois que nous avons besoin d'artistes émancipés. C'est-à-dire des artistes qui nous foutent la paix en tant que spectateurs, qui nous laissent vivre notre expérience et qui ne nous managent pas. Et donc c'est là où moi il m'intéresse, et encore une fois avec une distinction qui est sur les œuvres théâtrales dont il parle, qui, je trouve qu'effectivement là il procède à un principe d'équivalence où tout se vaut, et pourquoi pas, je crois effectivement qu'on s'émancipe avec des trucs qui sont, bien sûr. Mais il dit une autre chose, Rancière, que je trouve décisive. Et évidemment qu'on n'est plus à l'époque de Schiller et tout ça. Enfin, Schiller, c'est encore autre chose. Non, il est très schillerien. Mais il dit une chose que je trouve très forte, c'est de venir dire qu'il n'y a pas de systématisme de l'émancipation. Et toute une partie du progressisme théâtral nous dit que le théâtre à l'italienne, bifrontal, etc., c'est forcément aliénant. Et le travail participatif de rue, etc., c'est forcément émancipateur. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il vient recréer du désordre là-dedans, en disant pas du tout, on peut nous faire participer à des machins et c'est archi aliénant. Et inversement, les choses sont beaucoup plus complexes parce qu'effectivement, elles ont trait à des rapports individuels, etc. Donc voilà, sur Rancière, et ça rejoint la question de encore une fois, sur l'institution. On voit bien la contradiction dans laquelle on est pour beaucoup, c'est-à-dire que cette institution, elle nous gangrène, elle nous corrompt, elle nous rend complices. On sait que ce sont des institutions de classe, évidemment. En même temps, qu'est-ce qu'on y gagne à lâcher la bagarre à l'intérieur de celle-ci? Par exemple, je suis fasciné de voir qu'en l'espace de 30 ans, dans le théâtre public, on est passé de la notion de service public, inconsciemment, à la notion de service étatique. Mais le service public, ce n'est pas le service au nom de l'État. Le service public, encore une fois, c'est essayer de dégager des espaces. Et je partage, la lutte de 2003 a été une lutte incroyable. Et ce qu'a fait la coordination d'un point de vue idéologique, la bagarre d'hégémonie qui a été gagnée a été absolument passionnante à cet endroit-là. Évidemment que l'exception culturelle, cette espèce de machin, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut étendre. Il faut étendre dans la société au maximum des parts qu'on va libérer de la loi de la valeur, la santé, etc., etc., etc. Mais je trouve que l'institution, moi, c'est une bagarre que j'ai avec certains de mes étudiants qui, pour pouvoir travailler dans l'institution, sont obligés de déposer des dossiers dans lesquels ils expliquent le spectacle qu'ils vont faire dans 3 ans, si possible, au geste près. Ils ne sont même pas sûrs, c'est chronophage, etc. Donc, ils sont happés par une envie de marge, de périphérie, etc. Sauf que je ne vois pas pourquoi l'argent public, on le laisse à la bourgeoisie. Je vois pas, et en même temps, je vois bien que dès qu'on met le pied dedans, on est en partie happé par elle. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on a à habiter ces contradictions et qu'on peut remener des bagarres. Et ce sera la dernière chose, et je ne répondrai pas sur le rêve, mais on peut en parler juste après, parce que ça nous emmènerait trop loin. Mais pour moi, c'est la dernière chose, c'est quel type de cadre collectif nous réinventons qu'est-ce que nous réinventons? Et évidemment qu'ils sont très forts, ils ont atomisé les individus, la concurrence de chacun contre tous fait qu'il n'y a même plus de lieu pour se retrouver. Il y a quelques décennies, il y avait une association du jeune théâtre. Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille défendre aujourd'hui spécifiquement le jeune théâtre. Tout le monde est archi précarisé. Donc c'est quel type de cadre politique nous réinventons d'auto-organisation pour mener des bagarres? Parce qu'à l'échelle individuelle, sinon, face à l'institution, on est juste dans un rapport moral qui peut être très bien, c'est bien la pureté, ou c'est bien la culpabilité, mais c'est un rapport moral. Collectivement, comment est-ce qu'on remet des coups, ne serait-ce que pour que le service public cesse d'être un service étatique? Nous ne sommes pas au service de l'État, nous sommes au service du plus grand nombre, parce que des pans entiers de cette société doivent être arrachés à la loi de la domination de la valeur.